Bonjour, tant qu'à me positionner après une petite période d'observation, ben, je suis pas pour non plus parler juste des affaires comme les institutions religieuses, puis la messe, puis il faut que je parle aussi de les autres affaires, l'autre gang. Donc, bon, j'aimerais ça parler un petit peu le folklore maçonnique. L'affaire, c'est que, bon, le côté philanthropique, puis le côté, oh, c'est des sociétés discrètes, on se réunit, puis on parle de sujets philosophiques, des choses comme ça, moi, ouais. Puis jamais aborder des affaires comme le scandale de la loge P2 en Italie, le côté avec par rapport aux politiques, comme on dirait que certaines sociétés secrètes semblent avoir été créées en réaction aux jésuites, par exemple, puis semblent fonctionner de façon semblable. Les scandales qu'il y a eu en France, les fiches, le fichage qui avait été fait politique, puis que c'était lié à des loges. On n'aborde pas non plus beaucoup. C'est quoi, dans le fond? Au fond, quand on le regarde comme il faut, il y en a, ils font remonter ça jusqu'au bâtisseur de cathédrale, puis même jusqu'à Hiram, qui est l'architecte du roi Salomon, que ça, c'est non. À mes yeux, ça commence surtout autour du 16e siècle, puis c'est un phénomène surtout lié à une rejudaïsation, si on peut dire, du christianisme par le protestantisme, un peu. Puis on voit que ça correspond aussi à des mouvements liés à, bon, on peut sentir même encore aujourd'hui un petit fond, la doctrine de la prédestination, par exemple. Ça ressort un petit peu ce qu'on peut voir dans certains courants, comme on pourrait dire qui aboutit finalement à une forme de domination, de science, de la domination par une forme de darwinisme social, c'est-à-dire par de la, bon. Puis on voit qu'il y a encore des petites. On sent la doctrine de la prédestination, certaines idéologies qui sont liées au protestantisme rejudaïsé, là, avec des doctrines comme ça. On sent, c'est encore comme ça, puis ça va aboutir à ce qu'on pourrait voir comme l'eugénisme à l'anglaise, comme l'université Oxford, puis ce que moi j'appellerais une forme de darwinisme social. Par exemple, la géométrie. Prenez les pythagoriciens ont été persécutés parce que, bon, l'affaire, prenez anciennement, si on remonte le plus loin qu'on peut dans l'histoire de l'humanité, au niveau d'une historiographie, je parle contemporaine, de ce qu'on peut remonter le plus loin, comme si vous regardez dans le coin du Tigre, de l'Euphrate, le sacerdotal, l'aspect royal était aussi lié à l'autorité religieuse, les prêtres rois de l'Antiquité. Puis il y avait une connaissance de détournement de l'énergie par une connaissance de la structure, comme par exemple détourner un fleuve, mettre en place au niveau de la connaissance des travaux. Il y a déjà là pour irriguer des terres, il y a déjà là une science de détourner l'énergie par la connaissance structurelle, puis c'est le début de la psychologie de masse, puis des images, la science des images de domination des masses, les sciences de l'influence, donc de la domination, la polarité dans le mental des masses. Puis prenez comme ce que Gustave Le Bon dit dans La psychologie des révolutions, un peu comme Machiavel, qui à mes yeux exposait avec le prince de Machiavel, au fond, Machiavel expose des choses déjà connues et appliquées à l'époque. C'est la même chose avec Gustave Le Bon, son livre La psychologie des révolutions, où si on lit entre les lignes, on peut comprendre que les révolutions, il y a une science là-dedans de manipulation des masses, si on peut dire, par certains types d'autorités qui ont la connaissance de certaines mécaniques liées au fait qu'il y a un aspect de l'être humain qui est un petit peu son corps biologique, entre autres, ça a une certaine influence. Donc, bon, ce qu'on pourrait appeler le comportementalisme, le début du béhaviorisme appliqué aux masses, ça passe à mes yeux par des sociétés qui se transmettaient des connaissances sous le couvert du secret initiatique parce que derrière, au fond, il y a du patronage, du clientélisme, puis ça a rapport avec l'élite des sociétés occidentales toujours. Donc, Oui, le fait que la Révolution française semble avoir été pensée, dans le fond, possiblement en Angleterre, en Hollande aussi, puis qu'il y aurait eu de la. Puis que c'est lié à certaines sociétés maçonniques, oui. Parce qu'il semblerait qu'il y a certaines de sociétés secrètes qui ont été un petit peu créées en réaction aux jésuites, puis qui agissent un petit peu comme de la même façon au niveau de l'influence. Puis le Québec est un des endroits les plus corrompus en Amérique du Nord, c'est connu. Ça avait choqué les gens quand il y avait eu la couverture du McLean avec le bonhomme carnaval puis sa mallette d'argent. Mais le fait est que oui, c'est très corrompu au Québec. Puis quand il y a des commissions d'enquête sur la collusion, des choses comme ça, il n'est jamais question de ces sociétés secrètes-là qui ont pignon sur rue. Pourtant, c'est certain qu'il y a possiblement de la collusion qui se fait là. C'est pas, je veux dire, c'est tout le temps lié aux politiques, c'est étrange, c'est lié à le monde des affaires, et puis c'est certain que ça sert à du réseautage au niveau d'une forme d'élite sociale. Puis c'est certain qu'il y a certains clubs sociaux qui semblent être rien, qui sont au fond des clubs écoles pour le recrutement, comme les chambres de commerce, c'est connu, c'est su, on le sait. Okay. Fait que le folklore là, de l'histoire des rames, là, puis que ses apprentis, là, ça rapport à, on le sait que c'est une symbolique allégorique liée à des choses, c'est ça, ça fonctionne comme ça, les initiés de la connaissance. Donc, qui se transmettent par. On est. Donc, moi, je trouve que d'essayer de continuer à dire, ben, c'est des clubs sociaux, on a des discussions philosophiques, c'est vraiment enfumer les gens. C'est certain que il y a de la collusion, puis que c'est de l'élitisme social dans le fond, puis on sent en arrière certaines doctrines qui viennent surtout, qui ont surtout été très populaires chez les anglo-saxons. Puis bon, mais c'est vraiment d'enfumer le monde, de dire, oh, c'est juste des symboles, puis non, c'est, oui, il y a une allégorie symbolique, mais il y a toujours. C'est comme les cultes à mystère de l'Antiquité. Il y a tout le temps quelque chose de très concret derrière, mais il y a le grand véhicule puis le petit véhicule parce que, justement, c'est jusqu'à un certain point des choses qu'on considère qu'on ne peut pas dire à tout le monde comme ça peut pas être public. Mais il reste que, finalement, ça sert de prétexte à une forme d'élitisme social. Puis oui, c'est sûr qu'il y a de la collusion, c'est sûr qu'il y a du patronage, c'est sûr qu'il y a du clientélisme de lié à ces choses-là. Moi, je trouve ça a tout l'air de. Dès que quelqu'un est là-dedans, je trouve ça a l'air d'un hostie de crosseur, immédiatement. Puis, ben franchement, là, si vous regardez, là, allez le matin, là, dans le quartier chinois, regardez un vieux boutiquier là, qui a passé 80 ans, qui passe le balai devant sa porte, là. Et il va avoir il va avoir une dignité, il va avoir une contenance, il va avoir une décence. Pas besoin de s'affubler de titres pompeux puis de s'accoutrer avec des déguisements complètement gradés, avec des grades dessus complètement ridicules. Moi, immédiatement, j'ai une impression de dégoût puis de dédain de ces choses-là. C'est ridicule. On sent derrière des forces comme qui tiennent à humilier l'homme, hein? Si l'être humain veut avoir un certain privilège, faire partie d'une certaine élite, puis on dirait qu'il faut qu'il s'humilie devant des forces liées à de la subjectivité collective ou qui sert plutôt de terrain. C'est des influences, c'est de la domination, c'est des formes, c'est du folklore, puis c'est ridicule. Moi, je trouve que c'est ridicule. Quand on regarde, en plus, les temples, l'architecture, le côté néoclassique, cheap, moi, je trouve que c'est de mauvais goût. Je trouve ça quétaine. C'est surtout quand on regarde qui a là-dedans, puis tout. Bon, la moyenne d'âge est rendue assez âgée, mais vous recrutez encore, là, tant qu'à moi, là. Parce que bon, il y a du renouvellement pareil, il y a du roulement, mais il reste que non. Mais puis moi, le côté philanthropique, moi je considère que c'est des couvertures pour bien paraître, puis être présent, puis le réseautage, puis le. Moi, je le regarde du côté de la sociologie, un petit peu comme Gustave Le Bon, puis connaissant un petit peu la nature humaine. c'est à un moment donné, on voit un peu, là. C'est vraiment une affaire de. Ben, dans le fond, c'est des cours, dans le sens que c'est des courtisans qui entourent les gens en pouvoir ou en finance. Puis au fond, c'est des structures d'esprit de meute. On voit le côté anthropoïde sophistiqué de l'être humain, son côté psychologie, la psychologie sociale, animale, liée aux instincts, le besoin de dominer, le besoin d'être reconnu, le fait que si on met plein de singes dans une cage, à un moment donné, il va y avoir une hiérarchie. Puis, je pense que ça fait partie, justement, du côté primitif de l'être humain. Ce besoin-là de hiérarchie, ça m'a tout le temps pué au nez. En plus, le folklore est très. En tout cas, même l'apparence extérieure, là, on va juste parler le formel, le symbolique, puis c'est laid. C'est laid, puis ça a de l'air fou. Puis, ça sent pas bon. Puis, j'ai encore moins confiance en vous autres que dans les institutions religieuses. Puis je considère qu'il y a vraiment un élitisme là-dedans de dégueulasse, là, de darwinisme social, juste par l'irrespect des populations puis des volontés des peuples. Pourtant, ils mettent de l'avant la démocratie, là. Mais il reste qu'on voit qu'il y a cette espèce de prétention à vouloir éduquer les peuples puis à savoir mieux qu'eux, dans le fond, ce qui est la sagesse. Puis tout ça avec justement, comme je disais, des accoutrements gradés, des titres pompeux, des cérémonies qui, moi, je trouve que ça fait puéril, là, ça ressemble à. C'est de la mascarade. C'est de la mascarade. Puis c'est certain que. Moi, je trouve ça désuet, là. Puis bon, il reste que. J'aime pas l'architecture moderne, des fois des choses, des fantaisies comme on voit, mais on sent en arrière le même esprit un petit peu que ces bâtiments-là en néoclassique, pseudo-néoclassique lettres, là, les temps. On sent la même affaire. Puis moi, la société moderne, je la considère comme un échec. Puis bon. Puis si vous êtes là à vous vanter, là, on a beaucoup aidé la société, puis on a aidé à éduquer les masses, puis à faire avancer. Non, non, là. Moi, je m'en vanterai pas. Puis je le sais que les gens qui sont dans ces choses-là, puis que ce soit des niaiseries quand même, ben, j'étais un petit peu. Je veux pas être insultant, là, mais on le sait que c'est des chapitres séparés, en même temps que c'est pas vraiment centralisé, mais tout le monde se visite entre eux, puis. Prenez les martinistes là, avec leur masque puis les dessins à terre, puis bon, c'est ridicule. Je veux dire, en plus, supposément, pour entrer dans certaines sociétés secrètes, faut être soit chrétien, soit faut croire en quelque chose, puis tout. Mais quelqu'un de pieux fait pas des conneries comme ça. Il s'adonne pas à des simagrées comme ça pour commercer avec de l'invisible. On est averti là-dessus. Bon, on le sent que c'est pas intelligent. Du monde qui se mettent des accoutrements avec des masques, puis qui font des processions, là, puis prenez juste les chevaliers de colons, je pense pas que ce soit bien dangereux, puis tout, quoi que je pense que ça peut servir pour du recrutement, pour d'autres structures. Mais il reste que, bon, juste les processions, puis les uniformes, puis les filles d'Isabelle avec leur petite cape, puis. Moi, quand je regarde ça, bon, ça met, j'ai immédiatement une sorte de répulsion. Ça m'inspire de la répulsion. On le sent dans le fond que c'est pas conscient, puis que c'est pas bon. Puis que ce qu'il y a en arrière de tout ça, c'est encore les mêmes forces de domination puis de corruption qui ont toujours mené les sociétés humaines. Puis qui font que il a été dit, ben, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Mais moi, je rajouterais des pauvres en esprit, là. Toujours des pauvres en esprit là, parmi vous. Parce que quand des gens sont attirés par des choses comme ça, moi je considère que c'est une activité de compensation. Puis il faut avoir une faible estime de soi pour avoir des titres pompeux, là, puis être fasciné par un folklore là, allégorique. Même c'est triste, je trouve ça triste. De penser que ça a tellement d'influence, semble-t-il, en sous-main. Même si c'est plus que triste, ça m'écœure. Ça m'écœure. là, du monde là sont pas gênés, hein, c'est décomplexé. Puis oui, il y en a un là, oui, je suis là-dedans, hein, puis bah, moi je me garderai une petite gêne. Pas de quoi être fier, là. C'est inquiétant même, du monde qui. On le sait que. Il y a tout le temps un côté mystique. Prenez les triades chinoises, il y a tout le temps un maître des anciens qui tient l'hôtel. Puis prenez la mafia sicilienne avec la cérémonie avec le sang sur les images qui font brûler. Puis il y a tout le temps du rituel autour de du mafieux. Puis il y a tout le temps du mafieux autour du rituel. C'est pour ça que moi, ça les affaires de rituel, puis de. Bon. Ça, on reconnaît, hein, ça. On le sent que c'est pas bon, hein. On le sent que, dans le fond, peut-être qu'individuellement, vous êtes pas tous des pas bons, mais collectivement, je suis sûr à 100% que c'est des pas bons. Moi, les sociétés secrètes, je trouve ça. À la limite, au moins le côté surface est comique. C'est de la mascarade. Puis, bon. Mais après, quand on se met à lire leur propre livre, ben, moi, je veux dire, il y a des fuites, hein. Puis on finit par avoir les. Puis que tu lis ça, puis tu. Oui, oui, oui, on finit qu'on voit à quoi on a affaire. On voit à quoi on a affaire. Père Noël. J'ai tout le temps pensé qu'Albert Pike, au fond, il avait servi un petit peu pour le Père Noël de Coca-Cola. Et moi, je trouve qu'il y a un côté Père Noël, tu sais. Puis Santa, c'est comme un anagramme. En tout cas, des petites choses, comment est-ce qu'ils disent ça, là, le monde? Ben, des synchronicités intéressantes, on va dire, entre guillemets. Des synchronicités, entre guillemets. Puis intéressantes, parenthèses. Bonne journée.